Nègre. Les Européens font depuis quelques siècles commerce de ces nègres qu'ils tirent de Guinée et des autres côtes de l'Afrique pour soutenir les colonies qu'ils ont établies dans plusieurs endroits de l'Amérique et dans les îles Antilles. On tâche de justifier ce que ce commerce a d'odieux et de contraire aux droits naturels en disant que ces esclaves trouvent ordinairement le salut de leur âme dans la perte de leur liberté, que l'instruction chrétienne qu'on leur donne, jointe aux besoins indispensables que l'on a d'eux pour la culture des sucres, des tabacs, des indigos, etc., adoucissent ce qui paraît d'inhumain dans un commerce où des hommes en achètent et en vendent d'autres, comme on ferait des bestiaux pour la culture des terres.